France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le destin de Massoud et de l'Afghanistan, dont nous allons parler avec notre invité Bruno Philippe. Bonjour. Bonjour. Journaliste, grand reporter pour le journal Le Monde, vous avez couvert les événements en Afghanistan durant les dernières années du djihad antisoviétique, puis la guerre civile, l'arrivée des talibans, et surtout vous avez rencontré Massoud trois fois. Votre dernier livre n'est pas spécifiquement consacré à l'Afghanistan, il s'appelle L'Archipel des Ombres. Des Ombres, c'est un voyage en Indonésie, premier pays musulman du monde, je crois, en tant qu'en nombre de croyants et d'habitants. Et c'est aux éditions des Équateurs, on en dira un mot à la fin de l'interview. Que représente d'abord et avant tout Massoud dans l'histoire de l'Afghanistan? Mais je précise ma question, pour les Afghans? Alors, ça dépend quels Afghans. Parce que Massoud avait un projet national, c'était un Tadjik, donc c'est une ethnie non pas minoritaire, mais la grande ethnie afghane, c'est l'ethnie Pashtoun, à peu près, disons, 40% de la population. On n'a pas de statistiques très fiables. Et les Tadjiks, c'est une ethnie d'un peu moins importante, mais quand même tout à fait essentielle en Afghanistan, de langue persane. Donc, pour les Tadjiks, Massoud est un héros. Pour les libéraux, je dirais, Massoud incarne une figure tout à fait essentielle. D'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du djihad, de la guerre sainte antisoviétique, dont il fut un des héros les plus valeureux et aussi les plus médiatisés à l'étranger. Et il est aussi, bien sûr, le symbole d'un pouvoir moudjahidine anticommuniste qui s'établit en 92 après la chute du dernier régime communiste. Et ensuite, évidemment, le symbole de la lutte contre les talibans et l'obscurantisme. Alors, on l'a idéalisé en Occident. Vous trouvez qu'on l'a idéalisé ou qu'on l'a jugé à sa vraie valeur, en tout cas par rapport à nos valeurs occidentales? Je pense les deux. Il y a, vous le rappeliez aussi, ce personnage romantique, ce regard d'aigle, ce nez busqué, ce pas cool, ce bonnet de laine roulé, incliné élégamment sur le crâne, un personnage guévariste, vous l'avez dit aussi. Voilà, et puis un personnage romantique, un personnage de légende, en fait. Il y a ça. Et puis, oui, on l'a idéalisé, notamment en France. Christophe de Beauvie, grand reporter, hein, bien œuvré dans ça, je crois. Tout à fait, pas que de Bonfilly, je pense qu'il y a... Bon, alors d'abord, on sait qu'il avait étudié le français au lycée Stiklal, le lycée français de Kaboul, donc il parlait français, en tout cas, au début du djihad antisoviétique, il a donné des interviews en français. On l'a entendu tout à l'heure. Donc effectivement, c'est un personnage qui, en plus, est francophone. Il est évidemment entouré de beaucoup de médecins français, les fameux French Doctors. Il y a énormément de journalistes français qui vont le voir, qui passent du temps avec lui. Donc forcément, en France, il devient un personnage médiatique très connu. Alors oui, on l'a idéalisé parce qu'on en a fait un personnage de légende, de roman. Bien sûr, c'était aussi un islamiste. Faut pas l'oublier. Hein. Il n'était pas républicain. Enfin, ou plutôt, s'il était républicain, il était plutôt pour la République islamique. Ouais. T'es pas laïque. Islamiste. Comment? Pas laïque. Pas laïque du tout. Les femmes au Panjshir sont voilées comme un très grand nombre. Faut pas penser que Massoud était un personnage libéral. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que à la fin de sa vie, m'ont dit des gens très proches de lui, il a sans doute encore évolué. En 73, il a fait une première, donc avant même l'invasion soviétique, il a fait une première insurrection dans la vallée du Panjshir, à l'époque où l'Afghanistan était une république. Donc idéologiquement, c'était un islamiste. Et à la fin de sa vie, avant sa mort, quelques années avant sa mort, il se présentait lui-même comme un islamiste modéré. Tiens, pardon de vous couper, justement. On va voir comment il se présentait exactement, puisque vous me dites ça. En juin 2001, des parlementaires européens et français le rencontrent, lui posent des questions, notamment sur la condition des femmes. Écoutons ce qu'il répond. Juin 2001. Êtes-vous favorable à l'égalité des droits pour les femmes? Êtes-vous favorable au fait qu'elles aient le droit de vote et qu'elles soient éligibles? Et auront-elles le droit à l'éducation? Oui, dans la démocratie que nous allons instaurer en Afghanistan, les femmes auront le droit de vote, elles seront éligibles et elles pourront travailler et étudier. Très concrètement, si vous étiez au pouvoir à Kaboul, que feriez-vous de M. Ben Laden? Je vous dis très clairement que nous ne voulons pas voir l'Afghanistan devenir une base pour terroristes. Dans l'Afghanistan que nous dirigeons, il n'y aura aucune place pour les terroristes et pour Osama Ben Laden. Pardon de vous avoir coupé, Bruno Philippe, mais c'était saisissant après vos propos d'en écouter l'écho qu'on vient d'entendre. Qu'en pensez-vous ? Oui, ben, tout à fait. Alors, je souscris à cela aussi. Quand je dis que Massoud est un islamiste, oui, mais c'est aussi effectivement un modéré. Il est évidemment idéologiquement et même théologiquement opposé à l'obscurantisme taliban, dont la théologie, dont la vision du monde se limite à celle de l'imitation stricte du prophète. Ce n'est pas Massoud. Massoud est aussi quelqu'un qui lit de la poésie persane, il lit Hafez, il lit les grands textes de la poésie persane qui sont parfois politiquement assez incorrects. C'est un personnage évidemment qui a une certaine ambiguïté. Et puis surtout, c'est un Afghan. Je veux dire, on a projeté sur lui des catégories comme souvent qui n'étaient pas celles de l'Afghanistan. Donc évidemment, l'éternel problème. Et d'ailleurs, on voit bien avec le désastre américain. C'est exactement ça. Voilà. Mais c'est un. Vous avez entendu qu'il prononce le mot démocratie. Ah mais je ne dis pas qu'il n'est pas démocrate. Non, je pense quoi. Tout à fait. Démocratie. Mais bien sûr, Massoud était quelqu'un qui croyait en la démocratie. Mmh. Alors après, on peut discuter longtemps la social-démocratie, la démocratie à l'afghane, quelle sauce tout ça. On la met. Ouais. Il faut quand même se rappeler qu'il a tout de même été au pouvoir, puisqu'en 92. Il rentre dans Kaboul. D'ailleurs, je passe la soirée avec lui quelques jours avant qu'il arrive dans Kaboul. Le parti qui est le sien prend le pouvoir, mais immédiatement, la guerre civile éclate entre les différents partis de la résistance et surtout avec son ennemi juré, Gulbuddin Hekmatyar, qui est un intégriste sans doute le plus extrême en Afghanistan à l'époque. Mais il va quand même être au pouvoir. Il va avoir l'expérience du pouvoir. Alors, il ne sera pas président, il ne sera pas premier ministre, mais il sera ministre de la Défense. Il va toujours rester un militaire. Il n'aura pas les moyens. Je pense que ça aurait été le cas si jamais il n'avait pas été tué et si jamais les talibans avaient été vaincus. Il aurait été ministre de la Défense, quoi. Peut-être, non, justement. Peut-être qu'il aurait été un vrai leader de l'Afghanistan. D'accord. Mais hélas, il n'en a pas eu la possibilité, puisqu'il a présidé, si je puis dire entre guillemets, enfin disons qu'il a fait partie d'un gouvernement d'un Afghanistan en guerre civile. Bien sûr. Alors, vous l'avez rencontré trois fois. Qu'avez-vous retenu du personnage ? Un personnage au sourire chaleureux. Un personnage au regard rusé. En même temps, fuyant les questions, vous avez aussi rappelé que c'était un bon communicant et c'est donc dans les deux sens du terme, il sait communiquer et c'est aussi ce qu'il faut dire et c'est aussi ce qu'il ne faut pas dire et c'est aussi ce qu'il ne veut pas dire. Donc on a du mal à le pousser dans ses retranchements. Un personnage au demeurant assez sympathique, assez lointain. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai rencontré deux fois en Afghanistan, donc une fois avant sa prise de pouvoir, ou en tout cas la victoire de ses Moudjahidis. Je l'ai rencontré une deuxième fois lorsqu'il était ministre de la Défense. Et je l'ai rencontré une troisième fois, justement, lors de son séjour à Paris. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui poser une question philosophique, parce qu'il avait tellement lutté, et il avait tout perdu. Il avait tout perdu. C'était à la fin, lorsqu'il a été tué, il ne contrôlait qu'une poussière d'empire. Et alors je lui dis, mon commandant, je voudrais vous citer une phrase qu'aimait beaucoup le général de Gaulle, c'est une phrase d'un grand philosophe qui s'appelle Friedrich Nietzsche et qui disait « Rien, il ne se passe rien, mais cependant tout arrive et cela est indifférent ». Alors vous savez ce que c'est dans notre métier, c'est les questions les plus intelligentes qui amènent les réponses les plus décevantes, et vice-versa. On devrait faire le contraire, poser alors, des questions idiotes. Alors voilà, mais alors je vous cite quand même ce qu'il m'avait dit, parce que bon, c'était pas totalement dépourvu d'intérêt, ce que je lui avais dit, est-ce que vous songez à l'infinie tristesse des choses durant toutes ces défaites, ces massacres, ces morts. Il dit, je vais vous dire mon sentiment. La vie, que ça se passe dans la joie ou sans la joie, ça se passe. Chaque homme qui, en réfléchissant sur son passé, a l'impression d'avoir été utile, n'a rien à regretter. Moi, grâce à Dieu, je suis sûr du choix que j'ai fait, du chemin que j'ai suivi. J'en ai la certitude absolue. Oui, je n'ai pas de regrets. Oui, le temps s'enfuit, la vie passe, mais qu'importe. Donc ça l'a probablement soutenu dans son combat, hein, cette conviction, cette réflexion. C'est un intellectuel qui prend les armes, en quelque sorte. Un intellectuel, Massoud. Je dirais peut-être pas ça, mais c'était quelqu'un qui effectivement, qui était, comme j'ai dit, il a étudié au lycée français de Kaboul. Donc c'était quelqu'un qui était évolué, qui était bien sûr. Alors un intellectuel peut-être. Non, disons en tout cas. Quelqu'un qui, comme je l'ai dit aussi... Il a une vision du monde, et pas seulement des armes. Il a une vision du monde, et il a une culture, notamment poétique, littéraire, etc. Ses ennemis, Al-Qaïda, les talibans. Bon, la raison paraît assez claire. Les idées de Massoud ne correspondent pas au rigorisme religieux des deux autres. Elle est là, la ligne de fracture ? Oui, oui, elle est là. Elle est là. Elle est aussi. Il a aussi une vision, encore une fois, qui est nationale. Il a beau être un Tadjik, il a une vision. En 92, lorsque le régime pro-communiste ou communiste s'est effondré, il y a eu toutes les ethnies de l'Afghanistan, en tout cas un certain nombre d'ethnies d'Afghanistan, celles qui s'étaient levées contre les soviétiques, ont voulu toutes réclamer leur part de pouvoir. Faut pas oublier que l'Afghanistan, depuis l'unification en 1747, était un pays qui était dominé par l'ethnie pachtoune et par les clans royaux du sud de l'Afghanistan. D'un seul coup, l'Union soviétique, l'invasion soviétique, la défaite soviétique avait pour conséquence que chacun revendiquait une part de ce nouveau pouvoir. Et Massoud a été celui qui a incarné ça, parce que précisément, il ne faisait pas partie de l'ethnie la plus importante. Alors évidemment, ça lui a valu beaucoup d'ennemis, et que Matiar est un Pashtoun. Oui. Al-Qaïda était donc allié avec les talibans, qui sont des Pashtouns, même si aujourd'hui ils ont considérablement élargi... Absolument, ils ont considérablement élargi leur soutien à d'autres ethnies. Comment vivait-on, en Afghanistan, pendant le régime communiste ? Ah, c'est une bonne question. Mais oui, parce qu'on n'en parle jamais, évidemment, vu tout ce qui s'est passé après. Sauf que les malheurs de l'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui viennent quand même de là. Absolument. D'accord. Bon. Absolument. Comment on vivait pendant ces années-là ? Alors, ça dépend où. Moi, durant le régime soviétique, j'ai... À Kaboul, on va dire. Voilà. Alors, À Kaboul. À Kaboul, on vivait de manière étrange. C'était une ville qui était sous menace des roquettes des Moudjahidines qu'ils envoyaient depuis l'extérieur. Mmh. En même temps, les rues étaient parcourues de tanks, de véhicules blindés, c'était un pays en guerre. En même temps, on croisait des femmes en jupe dans la rue, je dirais pas en mini-jupe, mais je me rappelle avoir croisé des étudiantes en jupe jean, qui parlaient russe. On buvait de l'alcool, il y avait des mariages, il y avait des soirées, un petit peu d'ailleurs comme dans les années 60 où Kaboul était devenue une ville très occidentalisée, oui, des nightclubs, etc. Alors là, évidemment, c'était pas la même ambiance, c'était quand même, alors, il y avait ça, puis il y avait évidemment cette ville était sous la poigne du RAD, qui était les services secrets afghans, l'équivalent afghan du KGB, et qui semait la terreur. Donc quand vous alliez chez des gens, en tant que journaliste, les gens avaient la visite du KGB local juste après. Voilà. Donc il y avait à la fois, comme dans beaucoup de pays soviétiques ou soviétisés de l'époque, il y avait à la fois une sorte de libéralisme sociétal. Et de jouissance matérielle, avec ce qu'on avait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. De jouissance matérielle relative. Et aussi l'imposition d'un pouvoir autoritaire très très très très dur. Bruno Philippe, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Dark Side, Lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice in that. They say how hard it's been and how easy it'll be. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring. colors they used to see. And the light turns bleak, white red, and their lips go round instead. And now the crowd is naked on the ground. And now the crowd is naked on the ground. In front of the pile, the man drinks his solution, levels it up against the sun, a sick kind of ablution. The red glow in his face, making him look like the son of God. His teeth are glistening, his hair is wild, his feet are stomping on the ground. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. Bruno Philippe, l'Afghanistan d'aujourd'hui, les talibans, et cette question qui brûle les lèvres à chaque fois, pourquoi les talibans sont-ils entrés dans les grandes villes et à Kaboul sans coup férir, sans combattre? Est-ce qu'une partie de la population se sentait, je vais être choqué en disant ça, rassurée? La population, en tout cas une partie de la population, comme en 1996 lors de leur première victoire, une partie de la population se sent soulagée. Soulagée plutôt que rassurée. Parce que la guerre est terminée. Enfin, oui. En tout cas, une phase de la guerre est terminée. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer désormais. On ne sait pas s'il va y avoir une opposition armée qui va se lever contre les talibans. Ça risque de prendre du temps, c'est pas... Mais effectivement, une partie de la population, je pense, se sent soulagée aujourd'hui. C'est un pays qui est en guerre depuis 40 ans. Ça ne cesse jamais. En 96, lorsque j'étais à Kaboul après l'arrivée au pouvoir des talibans, les gens étaient, c'était pour eux une... Alors, ils étaient alors, les gens des villes, bien évidemment, les gens éduqués, les gens qui ne partageaient pas la vision du monde des talibans, étaient effrayés parce qu'ils savaient que ça risquait de... l'imposition de l'austérité était pour eux une certitude qui était terrible. Et en même temps, on arrêtait de se prendre des bombes sur la figure. Kaboul était ravagé par... C'était Beyrouth, c'était une ville qui était coupée en deux parfois. Les combats avaient lieu en ville. Une grande partie de la ville a été totalement détruite durant la guerre civile. Donc évidemment, il y avait de quoi pour les gens de se sentir soulagés. Alors aujourd'hui, je pense que c'est... Je ne suis pas à Kaboul et je n'y suis pas allé depuis quelque temps, donc je ne vais pas parler à la place de mes confrères qui y sont en ce moment et qui savent mieux que moi ce qui se passe, mais je pense que oui, il y a un certain degré de soulagement. La grande différence avec 96, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a eu l'éclosion d'une véritable classe moyenne, de gens qui n'ont jamais connu les talibans, des gens et des femmes qui sont allés à l'université, qui sont devenus journalistes, avocats, militaires, policiers, etc. Pour eux, évidemment, pour des gens de 20, 25, 30 ans, c'est absolument, c'est l'ordre noir qui parce qu'en plus, c'est les plus menacés. C'est les plus menacés. Et l'espoir d'un nouvel Afghanistan post-Ben Laden, c'est le désespoir taliban saison 2. Ouais. Justement, la vision du monde des talibans, de leur révolution islamique, si on peut dire comme ça, leur état islamique, elle est endogène, c'est-à-dire qu'ils veulent un état islamique en Afghanistan. Ils ne pensent pas exporter leur révolution, entre guillemets, contrairement à Daesh. Absolument. Je me trompe, non, c'est ça? Absolument, vous avez tout à fait raison. Les talibans ont une vision nationale, ils ont un projet national d'imposer donc cet émirat islamique d'Afghanistan qui s'inscrit... en faux, si je puis dire, contre la République islamique d'Afghanistan de Massoud. Donc on est passé de la République à l'Émirat. Oui. Mais ils n'ont pas une vision internationaliste du djihad telle que l'ont Al-Qaïda et bien sûr l'État islamique. D'où aussi le conflit. D'où le conflit entre, absolument, tout le conflit entre les talibans et l'État islamique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens chez les talibans, parce qu'on entend parfois des gens qui disent « Nous irons porter le djihad à l'étranger, tout le monde entier deviendra musulman ». Mais ça, c'est le taleb de base qui éructe. Mais la vision, en tout cas pour l'instant, politique des leaders des talibans, ce n'est pas de porter le sabre du djihad dans la plaie des, comment dirais-je, des voisins impies ou autres. Oui, contrairement à Daesh. Et que représente l'Afghanistan maintenant pour les musulmans fondamentalistes partout dans le monde? Est-ce que c'est un laboratoire, un modèle, un contre-modèle? Pour Daesh, c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Mais pour les autres, est-ce que oui, ça reste une référence aujourd'hui. Je pense pas. Et puis, comme vous savez, le monde musulman, le monde arabo-musulman est tellement varié, tellement divers, bien sûr. Que bon, l'Indonésie, puisque je viens de faire un livre sur l'Indonésie, ben l'Indonésie, c'était en tout cas, ça a été un peu wahhabisé, islamisé de manière moderne, si je puis dire. Mais c'était un islam extrêmement, on appelait ça l'islam de l'archipel. Donc un islam beaucoup plus doux. Donc je crois pas que les talibans aujourd'hui, pour les Algériens, pour les Éthiopiens, pour les Indonésiens, oui, c'est ça, ma question, ou les Pakistanais, je ne crois pas qu'ils représentent un modèle. Est-ce qu'ils ont changé, comme ils disent? Je ne sais pas. Ils disent que oui. Ils sont dans une opération de communication, ils sont dans une opération de relations publiques avec l'international. Ils savent qu'ils ont besoin. Vous savez qu'aujourd'hui, la Banque mondiale vient de leur couper les crédits. La Banque centrale afghane, l'Afghani, la monnaie nationale, est au plus bas. Enfin, et encore, ça vient de le dire. Donc, ils ont besoin tout de même de soutiens internationaux. Maintenant, on a vu immédiatement après la chute de la ville, les Russes et les Chinois s'engouffraient dans la brèche. Donc, les talibans ont besoin, donc ils ont une volonté aujourd'hui d'apparaître comme plus modérés qu'ils ne l'étaient il y a 25 ans. Donc, toute dernière chose, votre livre. Pourquoi l'Indonésie, au-delà du fait que ce soit le premier pays musulman du monde? Bah, j'ai habité en Asie du Sud-Est pendant assez longtemps. J'étais correspondant du Monde basé à Bangkok. Donc, l'Indonésie, je couvrais cet archipel depuis de longues années. Et là, j'ai fait un voyage très long qui m'a emmené dans les extrêmes orient de l'archipel. Et j'ai poursuivi à la fois les ombres de ce pays où finalement des minorités ethniques, des sociétés sont en train de disparaître, avalées, comme je le dis, dans le grand entonnoir de la mondialisation. Et j'ai aussi voyagé sur des terres de grande poésie, des terres d'îles sous les volcans, ces horizons lointains qui sont aujourd'hui peut-être parmi les terras, non pas incognita, mais en tout cas les bouts du monde plus remarquables de l'Asie. C'est donc un voyage d'ailleurs très personnel, mais aussi un voyage à la poursuite de la poésie des choses. Eh bien, vous nous invitez à le lire, ce livre. Et on va le faire. Merci en tout cas, Bruno Philippe. Merci infiniment. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le commandant Massoud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Gomard. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission, actuellement au Tristan Bernard à Paris.